ferme les yeux, je vais décrire un monde qui me donne envie de vomir. Un monde faux rat sur toi, je ne veux pas sombrir ton avenir. Un monde où nous croyons la technologie à notre service, alors qu'elle nous contrôle et nous fait plonger dans le vice. Où le rêve est vendu avec des pubs pour du matériel qui nous éloigne du réel et nous entraîne dans le virtuel. Un système qui nous immatricule et qui nous gave de vidéos qui saucissonnent, conditionnent et empoisonnent nos cerveaux. Un monde où l'État place des minorités dans les cités et favorise le développement des inégalités. Un monde où les banlieusards deal, crament des voitures, où les gens sont en flip et trouvent les rues moins sûres, où ils tolèrent la mise en place des caméras de surveillance filmées H24 par un inconnu apparemment mettant confiance. Un monde où la prochaine étape est les puces RFID dans le corps, le pire étant qu'une branche de la population sera d'accord. Un monde où Facebook est le plus gros moyen de communication, où chaque personne possède son propre mur des lamentations, où les gens lâchent des commentaires de plus en plus débiles, où les gens espionnent la vie des autres car la leur est futile. Un monde où certes Facebook est une invention intelligente car le fichage est obtenu de manière qu'on s'entende. Un monde où les hautes sphères ont le droit d'acheter toutes les informations pour contrôler et classer la totalité de la population. Un monde où les gens sont contents de dépenser leur argent dans des gadgets inutiles et c'est de plus en plus affligeant. Un monde où la pomme domine le marché des téléphones, tu passes pour un ringard pauvre si tu n'as pas ton iPhone. Dans ce monde Apple a rendu tous ses clients dépendants, cependant leurs produits enregistrent tous leurs déplacements. Un monde où le deuil d'un Steve Jobs est une contagion, la mort du maître affecte tous les esclaves de la consommation. Un monde où la vie des autres est devenue un show télévisé, où les problèmes de fruits d'alcool de cœur sont médiatisés. Un monde où des sans-cervelle sont filmés dans une demeure, tous hypocrites mais bon, ça divertit les spectateurs. Un monde où même l'amour devient de la télé-réalité, où les humains n'ont plus de pudeur et telle leur sexualité, où les spots critiquent la clope mais prônent la conso de Red Bull. Bref, un monde où le petit écran rend nos enfants ma boule. Mais ce monde n'est-il que le fruit de mon imagination ? Posez-vous la question.